Calcul différentiel selon l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'Alembert parle ci-dessous de l'inventeur du calcul différentiel. Il est constant, au sens dit la vraie, que Leibniz l'a publié le premier il apparaît con. Convient aujourd'hui assez généralement que Newton l'avait trouvé auparavant. Reste à savoir si Leibniz l'a pris de Newton. Les pièces de ce grand procès se trouvent dans le Commercium Epistolicum d'Analysi Promota, 1712, Londres. On y rapporte une lettre de Newton du 10 décembre 1672, qu'on prétend avoir été connu de Leibniz, et qui renferme la manière de trouver les tangentes des courbes. Mais cette méthode dans la lettre citée n'est appliquée qu'aux courbes dont les équations n'ont point de radicaux, elle ne contient point le calcul différentiel. Newton dit à la vérité dans cette lettre que par sa méthode il trouve les tangentes de toutes sortes de courbes, géométriques, mécaniques, soit qu'il y ait des radicaux, ou qu'il n'y en ait pas dans l'équation. Mais il se contente de le dire. Ainsi, quand Leibniz aurait vu cette lettre de 1672, il n'aurait point pris à Newton le calcul différentiel. La méthode des tangentes en général se trouve dans une lettre de Leibniz du 21 juin 1677. C'est de cette lettre qu'il faut dater, et non des actes de Leibniz 1684, où Leibniz a publié le premier les règles du calcul différentiel qu'il connaissait évidemment 7 ans auparavant, comme on le voit par la lettre citée. Par une lettre de Newton du 13 juin 1676, on voit que ce grand géomètre avait imaginé une méthode des suites qui l'avait conduit au calcul différentiel et intégral, mais Newton n'explique point comment cette méthode y conduit, il se contente d'en donner des exemples. S. Et d'ailleurs les commissaires de la Société Royale de Londres, Royal Society, le 10 points, si Leibniz a vu cette lettre. Il n'est parlé dans le rapport des commissaires que de la lettre de Newton de 1672. Comme ayant été vue par Leibniz, ce qui ne conclut rien contre lui, comme nous l'avons prouvé. Il semble, pourtant par le titre de la lettre de Newton de 1676, que Leibniz avait vu cette lettre avant la sienne de 1677, mais cette lettre de 1676 traite principalement des suites. Et le calcul différentiel ne s'y trouve que d'une manière fort éloignée, sous-tendue et supposée. C'est apparemment pour cela que les commissaires n'en parlent point. C'est pourquoi, si on ne peut refuser à Newton la gloire de l'invention, il n'y a pas non plus de preuves suffisantes pour l'ôter à Leibniz. Jean Laurent d'Alembert. Serge, Mel, Frais, Fr, Bar, Anx, Bar, Diff, Trait, DD, HTML.